un pub, je troquais quelques pièces pour du liquide. La Bushmills irlandais pour vider mon angoisse en gardant l'esprit solide. De l'Irish middle class, Emily Jane, Emily Jane. Mais où es-tu parti, Emily Jane, Emily Jane? You are so far from me. Du fin fond d'ennui éclairant ma solitude, apaisant mon ennui, une nymphe asiatique me berça de mansuétude. De parfums exotiques, elle avait la portée et le charme des angevines. Connues pour leur beauté, tous les traits impériaux d'une princesse de Chine. Aux récits mémoriaux, Emily Jane, Emily Jane. À mes souhaits, les lumières de l'aurore réveillèrent mon abandon. Dans le lit d'Aliénor, le fantôme de l'oubli s'échappa des illusions. Souvenir aboli, Emily Jane, Emily Jane. Mais où es-tu parti, Emily Jane, Emily Jane? Mais où es-tu parti ?